la courtisa offrodera. Dammi tre sedoc à trésor que tu méprises tant les nôtres. Elle me fera regagner les 500 ducats que vient de me coûter la banqueroute du juif Elias. Ah, mais ce diable de Coppelius, pourvu qu'il ne vienne pas réclamer sa part de la paternité. Ah, non, mais non, je suis fou de prendre ombrage de ce maudit marchand de lunettes. Ne pensons plus qu'à rendre ma fesse splendide et digne de mes hôtes. Monsieur. Oui, monsieur, oui. Oh, quoi? Hoffman. Bonjour, mon cher Hoffman. Oh, mais quel exactitude. Vous êtes, de tous mes élèves, celui que j'estime le plus. Cher maître. Ah, il faut m'excuser, mon cher. C'est ma grande soirée qui me trotte dans la tête. N'est-ce pas à l'honneur de mademoiselle Olympia? Oui, mon ami. C'est ce soir que ma fille fait sa première apparition dans le monde. Quelle ravissante personne. Et quelle belle chose que la physique. Elle étudie la physique? Hein? Mais non! Mais elle est fort bonne musicienne! Et quel caractère! Monsieur! Oui? Les tapis, demande vos derniers. Mais c'est quoi? Ordres! Pardon! Pardon, mon cher Hoffmann! Je suis à vous dans l'instant!